Après la mort de sa femme, Bovary apprend toute la vérité. Mais, malgré sa ruine et la triste révélation que lui apporte la découverte, dans le bureau d'Emma, des lettres de Léon et de Rodolphe, son amour pour la morte n'est pas diminué. Il entretient fidèlement son souvenir, n'accusant que la fatalité, et, cloîtré dans sa douleur, mène une existence solitaire, en tête à tête, avec sa fille Berthe.